te laisse l'Arménie, si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. L'aluminium, si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Voilà mes chers Rasta, c'était Tikenja Fakoli. Notre prochaine artiste s'appelle Lauryn Hill. Elle est née le 25 mai 1975 aux États-Unis. Sa chanson s'appelle I Get Out. J'espère qu'elle va vous plaire. I get out of all your boxes. I get out. You can't hold me in these chains, I'll get out. Father, free me from this bondage. Knowing my condition is the reason I must change. Your stinking resolution is no type of solution. Preventing me from freedom, maintaining your pollution. I won't support your lie no more. I won't even try no more. Victimized no more. I just don't sympathize no more. 'Cause now I understand. You just wanna use me. You say love then abuse me. You never thought you'd lose me. But how quickly we forget that nothing is for certain. You thought I'd stay here hurting. Your guilt trip's just not working. Repressing me to death. 'Cause now I'm choosing life, yo. Take the sacrifice, yo. If everything must go then go. That's how I choose to live. Et bien voilà les amis, c'était Laurie Lynn. Ah, et pour notre prochain artiste, je vais vous faire une petite devinette si vous le voulez bien. Il est né à Kingston en Jamaïque, il est âgé de 44 ans et ses styles de musique sont le reggae et la dancehall. Est-ce que vous avez trouvé cet artiste ? Allez, j'arrête de faire durer le suspense. Je parle bien de Sean Paul, ce grand artiste qui a fait des duos avec d'autres chanteurs comme Tal, Sia et plein d'autres encore. La chanson est I'm Still In Love With You. A Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. Though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I don't say dirty, dirty love. Controller girl, and I make your head swirl, and I make your body twirl, and I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, make you feel love to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your barn. I know you want your cat, and me just can't perform. I love you, baby. Oh, yeah. I know you get a little loving, I'm gone. You don't know how to love me. I ain't got no time for no kissing and charm. Not even how to kiss me. Take your little heart by star. I don't know why. Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. I love you, baby. I don't see nothing, nothing love. I'm still in love with you, boy. Well, I'm a hustler and a player, and you know I'm not to say it. That's see nothing, nothing love. Understand that a man is just a man. That's the dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in love. Yes, I'm still in love. Yo, what with a man you. Gotta do? What a man gotta do, girl? Hey, I do me give a dog love and say bye, bye, bye. But turn around, she ask a question, why, why? When me leave, in me see the girl, I cry, cry, cry. And it hurts my heart to tell a lie, lie, lie. So don't cry no more, baby girl, for sure. Just remember the good times we had before. Player, and you know I'm not to stay. That's the dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So girl, don't you understand that the man is just a man? That's the way I give my love. Et voilà, chers internautes, c'était Sean Paul. I'm still in love with you. Et pour continuer cette émission, je vous propose qu'on passe à l'artiste suivant, qui se nomme Stephen Marley. Il a repris en 2011 les musiques de son père Bob Marley. La chanson que nous allons entendre est de lui. Elle se nomme Roxton. I make it in a life, I inherit as the means. Them care, self-employed. get a day off. Who do want to stop me now? Them fine don't say them way off. All right. So me say one by one, one by one, one by one, we stepping out of Babylon. And then one by one, one by one, you King Selassie, I say I the conquering lion, lion, lion. Rockstar. Like a lunch. Rockstone, Steve Raga, Mali. Help us now, take us from the slum. Never give up, but I want strictly for your bun. Hell, Rasta, take us from the slum. Never give up, but I want King Selassie, I'm blessed to go. Separation is a thing, could be no harder time. Got to widen your views, gotta broaden your mind. What we find, sin, they can't know where it's gonna find. Hunger, poverty, a system so unkind. As a matter of fact, there is an aftershock. When come ground us, my bed and my pillow was a rock. Trying to make it through the system, all the doors were locked. Yeah, nothing me to try, and so I ain't gon' stop. All the time they write a book on you, all sorts of other crap they would have put on you. Yet when you're in the net, they would look on you. They would only stand and wanna wear the boots on you. But so see ya. Les amis, c'était Stéphane Marley. Poursuivons maintenant avec un autre artiste français. Il s'appelle Tahiro. La chanson se nomme Bon Vieux Temps. Elle est sortie en 2011. Je vous laisse écouter et on se retrouvera après. Yeah, c'était l'époque de mes premiers sons système. 94, 95, 96. Marcella, le peuplier. F de Paris. Yeah, je me souviens de l'époque de mes premiers sons système. Marcella, le peuplier. On bougeait tous dans le 13e pour s'imposer. Sur la scène, c'était chaud, c'était rock, mais ça en valait la peine. À cette époque, c'est sûr, y'avait pas David Guetta. Et s'il avait été là, il se serait vite fait péta. Les Rude Boys faisaient la loi et ça en marge de l'État. Fallait savoir se défendre avec ou sans Beretta. À l'époque, y'avait pas d'une, mais nous on kiffait quand même. 5 DJ morts de faim, on s'appelait le Youth Man 10. Pas de col, pas de prof, on apprenait tout sur scène. C'était chaud, c'était rock, mais ça en valait la peine. Et on y refaisait l'histoire. cocotiers, on jouait Garnett. On jouait au Rassendi comme on jouait Bérès. On dansait toute la nuit sans jamais que ça s'arrête. C'était le bon vieux, c'était le bon vieux temps. Oh oui, le bon vieux temps. L'époque des sound system. C'était le bon vieux, c'était le bon vieux temps. Oh oui, le bon vieux temps. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je ne veux pas l'oublier. Quelle superbe chanson, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez, continuons dès à présent avec notre avant-dernier chanteur, qu'il se fait appeler Brothers. Il va nous interpréter la chanson « Il faut qu'il paye ». Vous allez voir, je suis sûr que vous allez aimer. Ciao. Yo, yo. Qu'une population subisse. Tous enfants de la terre, tous enfants de la terre. Faisons reculer les frontières pour les sœurs, les frères aux quatre coins du monde. Il faut qu'il paye là, seule la chance de réussir. Qu'il paye là, prétendu voie de sortie. Qu'il s'aime là, graine avant de voir la terre s'offrir. Il faut qu'il paye là, seule la chance de réussir. Qu'il Prétendu voie de sortie, qu'il s'aime là. Rien avant de voir la terre s'offrir. Ya, ya, ya, ya, yo. les amis, l'heure est grave. C'est déjà notre dernier chanteur, la chanson est de Grisou et elle s'appelle Garde ta flamme. Garde ta flamme, oui. Ce sentiment d'espoir qui t'anime et sommeille au fond de toi, c'est pas de la magie. Non. Prends-en soin, fais-la briller, elle t'attend quelque part. Garde la foi, oui. Tous ces rêves de gosse qui s'abîment au fil du temps, qui s'effacent, c'est pas de la magie. Non. Prends-en soin, fais-la briller. On a tous cette force en nous, elle nous suit depuis le berceau. Un rêve, un objectif qui nous pousse à nous lever très tôt. Quelle que soit ta couleur, tu viens de la campagne ou du ghetto. Crois en cette énergie, elle peut faire de toi un héros. Moi je crois en la vie, d'autres veulent croire au miracle. Elle m'a ouvert l'esprit quand je me sentais inapte. Que tu l'appelles l'espoir, rêve de Allah ou même Jaja. L'important c'est qu'elle te donne confiance en toi, donc garde ta flamme. Ce sentiment d'espoir au fond de toi, c'est pas de la magie, non. Prends-en soin, fais-la briller, elle t'attend quelque part. Garde la foi, oui. Tous ces rêves de gosse qui s'abîment au fil du temps, qui s'effacent, c'est pas de la magie, non. Prends-en soin, fais-la briller. Non, non, y'a pas de magie, suis ton cœur, il sera sa plus belle arme. En cas d'échec, repare et suis tes larmes, yes. C'est pas facile, mais tu dois chercher au fond de ton âme. Dis-toi que la vie n'est pas qu'un business, mais surtout bats-toi. C'est le seul moyen d'obtenir des choses. Comment cherche en toi. La vie ne peut pas être faite que de roses. Donc lève-toi et hausse et garde ta flamme, oui. Ce sentiment d'espoir qui t'anime et sommeille au fond de toi, c'est pas de la magie. Prends-en soin, fais-la prier, elle t'attend quelque part. Garde la foi, oui. Tous ces rêves de gosse qui s'abîment au fil du temps, qui s'efface, c'est pas de la magie. Non. Sois fier de toi, de ce que t'entreprends, t'acharner à faire semblant, dis-moi où ça mène. Rien sert de courir après l'argent, l'important c'est de rester fidèle à soi-même. Tu deviens dingue, tu déconnes, préfère être seul, ouais, tu t'enfermes. On a toujours le choix, cherche en toi l'étincelle qui t'apaisera. Peu importe comment tu l'appelles, oh garde ta flamme. Ce sentiment d'espoir au fond de toi, c'est pas de la magie, non. Prends-en soin, fais-la briller, elle t'attend quelque part. Garde la foi, oui. Tous ces rêves de gosse qui s'abîment au fil du temps, qui s'effacent, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Et bien voilà les amis, cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous, bonne semaine à tous et on se retrouve dimanche prochain à 21h. Salut tout le monde.